Ancora in Cieszę Pietro e Witte. Quelle est la différence entre une personne libre et une personne qui serait en prison? Oui. Comment ils vont exprimer ça? Comment ça va se vivre, ça, dans tous les jours de leur vie? Cette liberté-là. Comment ça va se manifester? Avec des décisions. Hein? Il y a des choses l'homme libre peut prendre des décisions et faire ce qui lui plaît. Et le gars en prison, mais il peut tourner autour dans sa petite cage et dans son 8 par 8 ou 10 par 10. Et il ne peut pas prendre les décisions. Les cloches sonnent, il faut qu'il sorte de la cellule. Les cloches sonnent, il faut qu'il aille manger. Les cloches sonnent, il faut qu'il sorte dehors. Donc, il n'est pas libre de décision. Et les chrétiens sont des gens libres. Il n'y a pas de gens plus libres que les chrétiens sur la terre. Il ne peut pas y avoir plus libre que nous sur la terre. Mon garçon, il me disait cette semaine, « Ouais, mais vous ne pouvez pas rien faire. » Les chrétiens, on ne peut pas rien faire. Je dis, c'est le contraire, on peut tout faire ce qu'on veut. Ben non, on ne peut pas tout faire ce que tu veux. Ben oui, on peut tout faire ce que je veux. J'ai commencé à m'en nommer, je ne veux pas rien faire ceux-là, moi. Je ne veux pas rien faire ceux-là, donc je fais tout ce que je veux. Si je décide de « je veux pas aller coucher avec la femme du voisin », ben je fais tout ce que je veux, je ne vais pas. Le chrétien est l'homme le plus libre qu'il n'y a pas. La Bible appelle les autres des esclaves. Jésus dit « je suis venu délivrer les captifs, ceux qui étaient en prison ». Donc on était en prison avant, il nous a sortis de la prison, puis il dit « maintenant vous êtes libres ». Vous êtes libre. Fait que je pourrais dire avec certitude qu'il y a juste nous de libres sur la terre. Les autres sont tous en prison. Ils sont esclaves ou prisonniers du péché ou de la mort. Ils sont prisonniers. Jésus a dit aux Juifs, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Qui veut dire vous rendra libre. Vous rendra libre. Vous sentez-vous libre ce matin? Et cette liberté que Dieu nous a donnée, des fois on ne la comprend pas en tant que chrétien. J'étais libre. C'est un jeune chrétien, j'étais libre. Dieu m'avait libéré. Mais pourtant, je me suis mis moi-même sous un joug. Je me suis mis moi-même des règles où mon Église m'en avait mis. Et je me suis rendu esclave une autre fois de toutes sortes de choses. Et une chose qui est mal comprise souvent dans nos Églises, c'est la liberté chrétienne. À quel point on est libre, les chrétiens? À quel point on est libre? Et souvent, les croyants me demandent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? François, penses-tu que Dieu veut que je fasse ça? Ou que Dieu veut-tu que je fasse ça? Dieu, peut-être qu'il ne veut pas que je fasse ça. Et je me morfonds à leur dire, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Fais ce que ton cœur désire. François, fais ce que ton cœur désire. Ah oui, j'ai pas dit fais ce que ta chair désire, dis fais ce que ton cœur désire. Le cœur du croyant, le cœur qui a été régénéré, cette partie de nous qui a été transformée par Dieu, veut faire la volonté de Dieu. Elle aime Dieu, cette partie-là. Elle ne désire que Dieu. Donc écoute-la, fais ce que ton cœur désire. Je crois que cette liberté-là peut être menacée. Et chez les Corinthiens, il y avait cette place où ce que Paul répond à cette question, parce qu'il y avait des décisions qui étaient en train de se prendre dans l'Église pour remettre les chrétiens sous une forme d'esclavage. écoutez ce que Paul dit dans Galates. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est qui la femme libre? C'est nous qui sommes nés de la femme libre. On est libre. On n'est pas nés de la femme esclave. Donc on est libre en Jésus-Christ. Paul dit dans Galates encore, mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car l'esclave n'héritera pas avec la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais des enfants de la femme libre. Chez les Galatiens, il y avait un problème qui était en train de s'établir. Il y avait des gens qui étaient venus, des faux docteurs, des faux enseignants, étaient venus dans l'église de Galate, et ils voulaient ramener les Galatiens sur l'esclavage. Ils voulaient ramener les chrétiens sur une forme d'esclavage. Et Paul lui dit, vous n'êtes pas esclaves, vous êtes libres. Ne vous laissez pas remettre sous l'esclavage. Et combien de fois, nous le faisons? Et des fois, nous voulons emmener nos propres enfants sous l'esclavage. J'ai fait ça avec les miens pendant des années. C'est une des raisons que mon garçon me dit cette semaine, on ne peut pas rien faire, nous les chrétiens, ça là. Parce que je l'ai élevé avec des ne pas. Fais pas ça, touche pas ça, mange pas ça, va pas là, regarde pas ça, mange pas ça, tiens-toi pas avec ce monde-là, va pas là. Et c'était juste un paquet de négatifs. On voulait bien faire. On voulait bien faire. On voulait les protéger. Mais c'était pas la bonne manière. L'apôtre Paul dit dans Galates, encore une fois, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits, glissés parmi vous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et c'est pas Galates qu'on étudie ce matin, mais j'ai utilisé ces quelques passages-là pour démontrer qu'il est possible qu'une église, à cause de faux enseignants, de faux docteurs, ici il dit des faux frères, qui veulent ramener l'église sous une espèce de joug de la loi, le joug des œuvres, le joug de la performance en tant que chrétien. Combien j'ai dit et combien je me suis fait dire longtemps, si tu ne performes pas, Dieu ne te bénira pas. Ah, mon ami, j'ai entendu ça longtemps. C'est une forme d'esclavage. Si tu ne performes pas, si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, si tu ne lis pas assez, si tu ne pries pas assez, si tu ne vas pas à l'église assez souvent, Dieu ne va pas te bénir autant. Une forme d'esclavage. Au lieu de libérer, on met des jougs. J'ai dit à plusieurs reprises, si vous avez un fardeau sur le dos quand j'ai fini de prêcher, laissez ça à la porte, n'emmenez pas ça chez vous. C'est ça ici. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous libérer, pas pour nous écraser, mais pour nous libérer. Pour nous libérer. Et combien de fois les gens suivent le Seigneur parce qu'ils se sentent coupables, par culpabilité. Ils se sentent écrasés. Il faut bien que je le fasse. Il faut bien. Vous avez déjà dit ça? Il faut bien que ça aille bien. Ça va-tu bien? Il faut bien. Ça, c'est une forme d'esclavage. Il faut bien. C'est une forme d'esclavage. Je suis obligé. Je n'ai pas le choix. C'est pareil comme si Dieu ne nous donnait pas le choix. Dieu nous a donné la liberté. J'ai déjà conté l'histoire, me semble, quand j'étais là en Israël, du berger qui marchait. J'ai-tu déjà dit? Oui? Non? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Peut-être. J'avais un berger dans la ville de Jérusalem, quand j'étais là, puis il amenait des moutons avec lui. Et chez nous, moi j'étais cultivateur, on ne marchait jamais en avant du troupeau. On marchait en arrière du troupeau, avec le chien, ou avec un biscagas. Quand c'était plus moderne, dans ce temps-là. Puis le biscagas, puis là, on se mettait en arrière, puis on poussait les vaches. Et avancez, oi, oi, oi, oh, poussez. Puis avancez pas vite, mange-la. Là, il mordait une petite mordée après la vache, puis qu'elle avance plus vite. Vous avez déjà vu ça? Non? Si vous regarderez en Australie, ils ont des chiens noirs et blancs, des collés. Le berger est en haut, ben là, puis là, on voit le chien pour rassembler les moutons, puis il fait rassembler ça, puis le chien va mordre dans la terre, puis amener, ah oui, avance, avance! Puis quand j'étais en Israël, j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'est que le berger s'en allait en avant, il ne regardait jamais en arrière. Les moutons suivaient le berger. Ils étaient libres de suivre, et jamais le berger se verrait de bord. Jésus a dit, mes brebis me suivent. Ils me suivent parce qu'ils entendent ma voix. Il n'y a pas personne qui est obligé de nous pousser dans le dos. Personne. Personne. On veut suivre Jésus. C'est notre désir profond. On veut suivre Jésus. Il faut juste entendre sa voix et le suivre. Suivre. Tant qu'on lit la Bible, c'est pour entendre sa voix. On écoute un chant chrétien, c'est pour entendre sa voix. On étudie la Bible ensemble, c'est pour entendre sa voix. Et on veut suivre. C'est pour ça qu'on est assis ici ce matin. On veut juste entendre la voix et suivre le Seigneur. Si on ne veut pas suivre, on doit se poser des questions personnelles. Dire, ben, pourquoi je ne veux pas suivre Dieu? Pourquoi, c'est quoi mon problème? C'est à moi de me poser la question. Pourquoi je ne veux pas suivre le Seigneur? Je crois que le croyant veut suivre le Seigneur. Et chez les Corinthiens, il y avait des problèmes. Ce qu'on va étudier dans chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, on va étudier trois ou quatre sermons sur la liberté chrétienne. Et on va regarder comment Paul veut libérer les chrétiens. Il veut les empêcher de se mettre sous un joug. Le même enseignement que dans Romains 13, chapitre 13, chapitre 14 de Romains. Le même problème là, de cette chicane entre les frères et sœurs, hein, entre la liberté chrétienne. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Tu ne devrais pas faire ça. J'ai le droit de faire ça. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Puis là, on commence à s'assassiner entre nous, puis nous juger les uns les autres, puis se mesurer les uns aux autres. Parce que moi, je fais ça, puis toi, tu ne le fais pas, puis Dieu veut, fait que là, je suis un meilleur chrétien que toi. Et sans s'en rendre compte, des fois, dans nos églises, on met des standards. Si tu es un bon chrétien, tu peux faire ça. Si tu n'es pas assez bon, tu ne peux pas faire ça. Et là, on commence à mesurer les chrétiens par leur accomplissement, par leur façon de faire les choses. Et là, on mesure. Et les gens se comparent. Nous sommes libres, frères et sœurs. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Et vu que je veux, en tant que brebis, suivre le berger, c'est mon désir profond. La seule chose que tu peux faire pour moi, si tu veux m'aider, c'est fais-moi entendre sa voix. Et je vais vouloir suivre. Fais-moi entendre sa voix. Pas ta voix. Pas tes reproches. Pas tes critiques. Pas tes affaires. Mais fais-moi entendre sa voix. Et je voudrais bien suivre. Je voudrais bien suivre. Librement. Pas besoin de chien me pousser dans le dos. Pas besoin de personne qui va me mordre ou me fouetter pour avancer. Je veux avancer. C'est mon désir. C'est ça que j'ai voulu faire, c'est ça que je me suis converti. Seigneur, je veux te suivre. Hein? Jésus a dit ça souvent. Viens, suis-moi. Viens. Il ne disait jamais, avance. Il disait, viens et suis-moi. Il marchait en avant. Il disait, viens, venez-vous-en. Il s'en allait. Suis-moi. C'est une liberté qu'on a prise. On a fait un choix. Et Paul, il dit, jouissez de ce choix. Jouissez de votre liberté que vous avez. Profitez-en. Profitez-en. Et chez les Corinthiens, ce qu'on va étudier pendant les trois prochains chapitres, c'était la question des viandes sacrifiées. Et la question de leur ancienne religion. Les Corinthiens avaient été élevés dans des temples d'idoles. Et dans ces temples d'idoles-là, on mangeait des sacrifices. Savez-vous que les Juifs mangeaient aussi des sacrifices, leurs sacrifices? Est-ce que vous saviez ça? Ils allaient au temple, faisaient des sacrifices, ils en tuaient. Une partie du sacrifice s'en allait au prêtre, au grand prêtre. Une partie du sacrifice était brûlée sur l'autel. Et une partie du sacrifice était pour lui, puis sa femme, ses enfants, puis sa gang. Puis il mangeait, puis il se réjouissait avec Dieu. Il mangeait une partie du sacrifice qu'il avait offert à Dieu. Et dans les temples d'idoles, il faisait un peu la même chose. Donc, il y avait des grandes salles où il y avait des festins. Les animaux qu'on tuait, qu'on offrait aux dieux, qu'on faisait cuire, on les mettait sur les tables, et les gens allaient manger, là, puis se réjouissaient devant leur Dieu. Et la question qui est posée ici à Paul, de la part d'Église, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut continuer à manger de ces viandes-là? Est-ce qu'on peut continuer à aller dans le temple et manger de ces viande là, sacrifiée aux idoles. Qu'avait-on offert aux idoles? Et là, les Corinthiens, c'était la guerre dans l'Église. C'était la chicane dans l'Église. T'as pas le droit? Oui, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit? Oui, j'ai le droit. Et là, ça se jugeait, ça se critiquait, ça chialait. Et ça se méprisait dans l'Église à cause de cela. Ça nous fait penser un petit peu à nous en tant qu'anciens catholiques, la plupart d'entre nous. Il y a un chrétien qui m'a dit dernièrement, un bon chrétien ne va jamais dans une église catholique. Il ne rentre pas là. C'est une église où ils font des choses mal. Ils font des sacrifices qui ne sont pas corrects. Ils disent des mensonges dans ces églises-là. Il ne devrait pas aller là. D'autres chrétiens, j'ai la liberté d'y aller. J'y vais. Puis il rentre dedans. Puis il va assister à ce qui se passe là. Et là, il y a une chicane entre les deux. J'ai tu dois, tu pas dois. Il y a des chrétiens qui vont dire, ah, oui, tu as le droit d'y aller, mais tu ne pries pas avec eux autres. Ah, tu ne vas pas en communion avec eux autres. Ah, tu peux tout faire, mais pas aller à la communion. D'autres disent, ben oui, je dois y aller. Il y a un désaccord entre les chrétiens. Ça, c'est une chose. C'est une chose. Mais on peut appliquer cette vérité-là de la liberté chrétienne sur des multitudes de nos actions de tous les jours. Est-ce que je peux faire telle affaire ou pas faire telle affaire? Qu'est-ce que j'ai comme liberté? Et quelles sont les limites à ma liberté, s'il y en a une? Et quelles sont comment est-ce qu'on doit se comporter les uns avec les autres dans cette liberté chrétienne que nous avons? Donc, la vérité qu'on va voir dans les quelques semaines, c'est les croyants sont libres, mais ils doivent bien utiliser cette liberté-là. On va voir qu'il y a une certaine limite à notre liberté. Et la limite de la liberté que nous avons, qu'on va voir un petit peu, c'est la liberté de l'autre. Des fois, ma liberté va être limitée par ta liberté. Et ta liberté va être limitée par ma liberté. Et vous allez voir ce que Paul veut dire par là. Verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, la première chose que Paul va dire par rapport à la liberté, c'est qu'on doit comprendre, quand on va utiliser notre liberté, on doit comprendre que la connaissance sans amour n'est rien. Paul ici, il parle de la connaissance. Il dit, tu dois agir avec ta connaissance, mais la connaissance doit être aussi accompagnée de l'amour chrétien. L'amour les uns qu'on a pour les autres. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul va dire, un peu plus loin, on va étudier ensemble au chapitre 13, que même si tu as les plus grands dons du monde, si tu n'as pas l'amour, tu es rien, tu es rien. Donc, il amène ça ensemble. Et ici, il dit que qu'est-ce qui va amener la liberté chrétienne? C'est la connaissance. Ce qui libère le croyant, c'est la connaissance. Dans le texte ici, l'apôtre Paul, il dit que il n'y a pas plusieurs dieux, mais qu'il n'y a seulement qu'un Dieu. C'est les nouveaux chrétiens, ces gens-là qui étaient nouvellement sauvés, avaient été élevés dans ces religions païennes-là, et ils s'étaient convertis de leurs idoles, puis ils étaient venus à Dieu. Et ils croyaient qu'il y avait d'autres idoles, d'autres dieux. Et l'apôtre Paul leur dit qu'il n'y a pas d'autres dieux. Ça n'existe pas, les autres dieux. Tous les dieux que les gens ont inventés, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Tous les idoles, toutes les icônes qu'on voit partout, Dieu il dit, il n'y en a pas d'autre Dieu, il y en a juste un. Il n'y a pas d'autre Seigneur dans le monde, il y en a juste un, c'est Jésus-Christ. Mais cette connaissance-là n'est pas chez toutes. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui croit ça. Mais le croyant sait ça. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Donc, tu dois faire attention à comment tu te comportes. On prend l'exemple. En tant que catholique, on croyait que dans l'hostie, c'était sacré et Jésus était dedans. Et on avait un certain comportement face à ça. On dit toucher. Au début, on ne touchait pas avec les dents. Après ça, en tout cas, il y avait toutes sortes d'affaires. On ne pouvait pas y toucher avec nos mains. Je me souviens une fois que je servais la messe quand j'étais jeune, j'avais 13, 14 ans, et le prêtre avait échappé un hostie à terre. Il avait fait un mouvement, il avait échappé l'hostie. Et je ne comptais pas toute l'histoire, mais il n'était pas capable, lui, de la ramasser, pour une raison quelconque. Il n'était pas capable de la ramasser. Puis il m'a dit, François, ramasse-la. Puis moi, je disais, non, je ne veux pas la ramasser. Je n'avais pas le droit de toucher à ça. Je disais, non, je ne veux pas la ramasser. Il dit, ramasse-la. Il dit, non, là, il y avait une chicane, mon gars, devant tout le monde. Non, je ne veux pas la ramasser, il n'y a pas de droit de toucher à ça. Il dit, ramasse-la, je te le dis. Finalement, j'ai pris ma patente, tu sais, la patente à ronde avec un petit manche. Puis j'étais là, elle fait un scoop en dessous, je l'ai ramassé. Hein? Un petit peu de tout ça, fait. Ben. On n'avait pas le droit de toucher à ça. Le chrétien, il sait que Jésus n'est pas là-dedans. Il sait que Jésus peut prendre, on peut prendre un morceau de pain et le manger, puis il n'y a rien là-dedans, c'est juste un morceau de pain. Mais il faudra faire attention. Pour certaines personnes, peut-être que ce serait un scandale, un sacrilège de faire ça. D'accord, qu'ils disent, ouf, attention. Attention, parce que ça, c'est sacré, ça. Ça a été béni, ça a été. Fais attention comment tu vas faire. Et c'est un petit peu la même chose ici. La connaissance. La connaissance, le fait de savoir qu'il n'y avait pas d'autre Dieu. Mais cette connaissance-là ne doit pas être sans amour. Tu dois faire attention comment tu vas utiliser la connaissance que tu as. Parce que pas tout le monde qui l'a. L'apôtre Paul, il dit que cette connaissance-là, si elle vient de Dieu, si elle connaît, si c'est Dieu qui te l'a donné, il va te donner l'amour qui va avec pour respecter les gens autour de toi. Souvent, on a manqué, hein? On a manqué. Souvent, on a dit, en tant que jeune chrétien, on est allé avec nos bibles, on a assommé les gens. On disait ça, on a assommé les gens. Parce qu'on a manqué de respect. Ces gens-là n'ont pas la connaissance que nous avons. Et la connaissance que nous avons, nous l'avons eue par grâce. Enfin, Dieu nous l'a donnée dans son amour. Pas parce qu'on était plus, notre IQ était plus fort que les autres. Pas parce qu'on était plus fin que les autres. Pas parce qu'on était plus sage que les autres. C'est une grâce que Dieu nous a donnée de comprendre les vérités. Et on s'en va vers des gens qui ne la comprennent pas, qui ne le voient pas, qui sont complètement aveugles spirituellement. Et là, on manque des fois d'amour envers ces gens-là parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Et on oublie que des fois qu'on était comme eux et qu'on manquait. Avant d'utiliser la connaissance que nous avons, nous devons avoir l'amour dans notre cœur pour l'utiliser. Sans ça, on fait du dommage. Dans l'Église de Corinthe, ça faisait ceux qui avaient de la connaissance. Dans l'Épître aux Romains, c'est la même chose. Ceux qui avaient de la connaissance faisaient du dommage à l'Église. Donc, le texte ici va s'adresser plus à ceux qui ont la connaissance que ceux qui n'ont pas la connaissance. Là, on ne parle pas des inconvertis, on parle en croyant. Ceux qui ont plus de connaissance, c'est eux autres souvent qui ont un problème. Ils voudraient emmener ceux qui n'ont pas la connaissance dans leur direction. Et là, il y a des conflits qui naissent. Donc, la connaissance, pour l'apôtre Paul, il dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle. La connaissance sans l'amour va détruire. La connaissance avec l'amour va édifier. Parce que l'amour, tu as non plus, il ne peut pas faire grand-chose. Si tu aimes, mais tu n'as pas la vérité, ça ne donne pas grand-chose non plus. Mais on a besoin d'avoir, l'apôtre Paul, il dit, attention avec la connaissance que tu as. Sois sûr que tu l'enrobes avec l'amour que tu as besoin pour l'utiliser. Au verset 4 jusqu'au verset 6, disons ensemble, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car il y a des êtres qui sont appelés Dieu. C'est dans le ciel et sur la terre. Oh, je l'ai lu ça tout à l'heure. Donc c'est la deuxième. C'est la connaissance amène la vérité. La connaissance amène la vérité. Vous savez qu'il y a un verset qui dit que la connaissance affranchit du péché. La connaissance affranchit du péché. Il y a un autre verset qui dit que la connaissance affranchit de la loi. Ici, la connaissance affranchit des idoles. L'apôtre Paul, il disait, mais pas avoir peur des idoles. Vous n'avez pas à avoir peur des esprits. Je me souviens d'avoir lu un livre un moment donné d'un homme qui s'est converti du vaudou. Les vaudous, c'est tout un paquet de mauvais esprits, ça. Et il avait très peur, même en tant que chrétien, de tous ces esprits-là encore. Il avait peur de sortir le soir tout seul parce qu'il avait peur que les esprits viennent l'attaquer. Il manquait de connaissance. Il manquait de connaissance. La connaissance a franchi les idoles et l'apôtre Paul il dit, il n'y en a pas d'idoles. Il n'y en a pas d'idoles. Donc s'il n'y a pas d'idoles, à qui est-ce que la viande est sacrifiée? À qui est-ce que ces idoles-là, ces viandes-là sont sacrifiées? Hein? À personne. Il n'y a pas personne dans ce temple-là. C'est vide, c'est une morceau de pierre. C'est de la roche. C'est du plâtre. Il dit, il n'y a personne là. Donc, ces viandes-là ne sont pas spéciales. C'est que les gens les sacrifient à des idoles. Et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'idoles. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autre Dieu qui dit. Donc, automatiquement, il dit, cette viande-là, elle n'a rien de spécial. Là. Rien de spécial. Il n'y en a pas d'idoles. Donc, cette vérité-là nous libère. Le fait de savoir qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans le monde. Il y en a juste un. Juste un. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a jamais eu d'autre. Puis il n'y en aura jamais d'autre. Isaïe dit ça dans le chapitre 48 jusqu'à 60. Il dit, il n'y a jamais eu d'autre Dieu avant moi. Puis après moi, il n'y en aura jamais d'autre Dieu. Donc, on n'a pas d'avoir peur de ces affaires-là. Voulez-vous dans la tête, Satan non plus pas un Dieu, là. Des fois, les chrétiens, ils donnent quasiment les attributs de Dieu. Il n'est pas partout, Satan. Il n'entend pas tout, Satan. Il ne voit pas tout, Satan. Il n'a pas toute la puissance, Satan. J'ai déjà dit à un chrétien, « S'il est ici avec moi, il n'est pas chez vous. » C'est vrai. Si Satan est ici avec moi, il n'est pas chez vous. Mais Dieu est ici avec moi, il est chez vous aussi. Une grosse différence, ça. Il dit, « Les idoles, ça n'existe pas. » Donc, il dit, « Vous n'avez pas besoin de vous en faire avec ça. Les idoles, ça n'existe pas. » Donc, tout ce qu'on fait à ces idoles-là, ça n'a rien de vrai. C'est juste du mensonge. Juste du mensonge. Au verset 7 jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul va dire autre chose. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience est faible et en est souillée. Donc, on parle ici que le manque de connaissance, on va l'appeler comment ici? Le texte s'appelle comment? Celui qui manque de connaissance, il est faible. L'apôtre Paul va l'appeler la même chose dans Romains 14. Il va l'appeler les faibles et les forts. Ici, sont encore, le manque de connaissance va produire en moi de la faiblesse. De la faiblesse. Donc, ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de connaissance. Souvent, un frère ou une soeur va prendre une décision que peut-être qu'on ne va pas voir comme étant correcte, mais ce n'est pas tout le temps parce qu'il veut faire ou ce qui est amoral. Il manque de connaissance. Il manque de connaissance. Ici, il dit son manque de connaissance le rend faible et il va peut-être même le souiller. Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. Si on en mange, nous n'avons rien de plus. Si on n'en mange pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui es à la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne te portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Jésus-Christ est mort. Donc, il est en train de dire ici, il dit, si un frère ou une sœur te voit, toi, assis dans un temple d'idole en train de manger. Paul, il n'a pas dit de ne pas y aller. Il dit, si quelqu'un te voit là et tu es en train de manger, le frère qui est là, que lui, il pense que c'est vrai ces choses-là, lui, il pense qu'il y a des idoles là, puis ces viandes-là sont sacrifiées aux idoles, tu ne devrais pas en manger. Il dit, lui, qu'est-ce qu'il va faire s'il te regarde faire? Et lui, il croit que tu fais quelque chose de mal. Il pense que tu fais quelque chose de mal. Il croit dans son cœur, sincèrement, il est honnête, lui, là. Il pense que tu fais quelque chose de pas correct. Et qu'est-ce qu'il va faire? Soit qu'il va faire une de deux choses. Soit il va se virer de bord, puis il va te condamner. Il va te juger, il va dire, as-tu vu faire ce gars-là? As-tu vu faire celle-là? As-tu vu faire? Puis il va te condamner, puis il va dire, tu es un pécheur, puis que ce que tu fais là, c'est pas correct. Puis il pousse bien à le dire au conseil. Non, mais il va aller se plaindre. Ou il va parler de toi en mal. Ou l'autre chose qu'il peut faire, c'est quoi? Il va aller s'asseoir dans le temple avec toi, il va manger de la viande. Mais lui, il va se faire du mal en le faisant. Pourquoi il va y aller, puis il va vouloir en manger? Pour être accepté par les autres. Combien de fois, peut-être, vous avez fait comme moi, j'ai fait, on a fait des choses parce que les autres le faisaient dans l'Église. On le fait pour être accepté du groupe. On le fait pour être rejeté par les autres frères et sœurs. On a peur que le rejet vienne. On pense qu'on a le droit, ou on pense qu'on n'a pas le droit, mais on le fait parce que les autres, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ici, tu fais attention, quand tu fais quelque chose, que si ton frère faible le voit et que lui le fait, ça devient mal pour lui et son esprit est souillé. C'est intéressant de penser ça. Hein? Est-ce que c'est mal? Paul dit non, c'est pas mal. Pas mal. Si t'es là et tu manges de la viande, et toi tu as de la connaissance et tu sais que c'est juste de la viande que tu as pu avoir pas chère et que tu bourres la face en québécois et tu manges et... T'as le droit de manger. Mais il y a un frère à côté ou une soeur qui te regarde puis elle dit, tu ne devrais pas en manger. Et lui, s'il va en manger avec toi, lui, il fait un péché. C'est bizarre. Toi, tu en manges, tu ne fais pas de péché. Lui, il en mange, il fait un péché. Ça veut dire que le péché se passe où? Dans tes deux oreilles. Dans tes deux oreilles. Il n'est pas dans l'action. Et dans ce que je pense que je suis en train de faire. Si je pense que je suis en train de faire le mal et que je le fais, c'est mal. Donc, Paul dit, fais attention aux faibles. Fais attention aux faibles. Et toi, le faible, fais attention. Si tu crois que tu ne devrais pas le faire, ne le fais pas. Mais laisse l'autre tranquille. Laisse l'autre tranquille. Si lui veut le faire et qu'il pense qu'il a le droit de le faire, laisse-le tranquille. Mais si toi, tu penses que tu n'as pas le droit de faire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Je t'en prie, ne le fais pas. Tu peux t'asseoir avec le frère et d'en discuter avec lui, d'en parler avec lui. Pourquoi lui, il pense qu'il a le droit, au lieu de le juger, de le condamner, tu peux peut-être aller voir le frère ou la sœur et demander pourquoi lui, il pense qu'il a le droit. Peut-être qu'il va t'aider. Mais l'apôtre Paul, il dit, toi, fais attention. Si toi, tu vois le frère scandalisé, on va le voir un peu plus tard, fais attention. Attention, parce que toi aussi, tu dois réagir, toi qui as la connaissance. Et à partir de... On va continuer à lire jusqu'au verset 13, si vous voulez bien. À partir du verset 11 jusqu'au verset 13, on va lire. « Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en les blessant à leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » C'est pourquoi un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin que ne pas scandaliser mon frère. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire ici? Lui, il pêche en mangeant, parce qu'il ne devrait pas en manger, parce qu'il croit que c'est mal. Mais toi, si tu en manges, sachant que ça scandalise ton frère, toi aussi tu fais un péché, même s'il n'y a pas de péché là. Ça devient pas mal intéressant de penser ça. Paul dit, fais attention, Parce que le frère qui manque de connaissances peut être scandalisé. La liberté peut être un sujet de scandale. Il faut faire attention à comment on utilise notre liberté. J'ai la liberté de rentrer. Mais fais attention. Comment tu vas le faire avec ton frère ou ta soeur? Parce que lui, s'il est scandalisé, puis il le fait, puis il pêche, toi, en faisant cela, tu fais aussi un péché. Donc, les deux, finalement, ont péché. Celui qui a mangé, il avait le droit. Celui qui n'a pas mangé, celui qui a mangé, puis il pensait qu'il n'avait pas le droit, ont toutes les deux fait un péché. C'est pas toujours facile de tirer une ligne là-dessus. Pas toujours facile de tirer une ligne. Qu'est-ce que j'ai le droit et qu'est-ce que je n'ai pas le droit? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir tirer une ligne, pour pas scandaliser les autres et en même temps pouvoir jouir de ma liberté? Parce que si je veux aller, moi, au temple et manger et la viande, elle ne coûte pas cher et je vais aller l'acheter et je vais l'emmener chez nous, je ne fais pas des gros salaires, je voudrais l'emmener, mais mon frère voit ça, lui, est scandalisé, lui, s'il m'imite, il fait un péché, s'il continue ailleurs, puis il va en parler aux autres contre moi, il fait aussi un péché. Comment est-ce qu'on peut jouer ça? Comment est-ce qu'on peut vivre cette liberté-là les uns les autres? Ne scandalisez pas le frère ou la sœur qui manque un peu de connaissance à ce moment-là. Parce qu'il dit, le frère qui fait ça va périr. Ici, on ne parle pas de la perte du salut, c'est pas ça que ça parle. Il parle de tomber dans le péché. Dans le texte, il parle, ton frère il va tomber dans le péché, et toi, tu vas pécher si tu le fais. Donc, comment on peut jouer ça? Comment on peut? Parce que si toi, tu veux utiliser ta liberté en te foutant de tout le monde, je dois faire ça que John t'emporte, tu fais un péché. Et l'autre, lui, qui est plus étroit de penser, il va dire, t'as pas le droit de faire ça, lui, tout va tomber dans le péché. Donc, c'est quoi votre méthode à vous? Comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous jouissez de ça? Comment vous arrivez à faire ça? Comment vous pouvez faire, là? Mettons, tu dis, j'ai quelque chose à faire, que j'ai le droit de faire, il me semble, mais que lui, là, je sais que si je le fais, il va y faire de quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment vous agissez, vous autres, dans ce temps-là? C'est intéressant de s'arrêter pour trouver une méthode de fonctionnement. Je vais vous donner un exemple. J'espère que je ne vais pas vous énerver avec ça. Vous scandaliser, mon tour. Il y a plusieurs années, je jouais au badminton à Abitibi. Et tous les chums que j'avais là, les 6-7 personnes que je côtoyais, après qu'ils avaient fini de jouer au badminton, ils allaient prendre une bière dans un bar. Il s'appelle La Maîtresse. Et à chaque fois, il m'invitait. François, veux-tu prendre une bière avec nous autres? J'hésitais. Je disais, pas sûr que tout le monde va voir ça d'un bon oeil, que le pasteur prend une bière au bar. Pas sûr. Mais je voulais y aller. Je voulais y aller pour être avec ces gens-là. Parce que c'est la seule place que je pouvais côtoyer. Il n'y a pas d'autre place dans la société. C'est un terrain de badminton, mais on n'arrête pas de mono dans les airs pour commencer à parler du Seigneur. On joue au badminton. Puis après, ils s'en allaient. Fait que si je voulais leur parler, c'était là. Ou alors que j'allais faire prendre le pas chez eux. Puis je trouvais que j'aurais pas eu le bon impact que je voulais avoir. Finalement, ce que j'ai fait, c'est un exemple, vous pouvez le faire comme moi. J'étais allé m'asseoir avec les gens de l'Église. J'ai parlé honnêtement avec les gens de l'Église. Le conseil. J'ai réuni mon conseil d'Église. J'aimerais vous parler de quelque chose. Parce que je savais que les autres se scandalisaient. Un ou deux là-dedans, je savais qu'ils étaient. Donc, on a jasé toute une veillée pendant 2 heures de temps. Est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire ça? Quelles sont mes raisons? Pourquoi le faire? Je ne voudrais pas vous scandaliser, mais je ne voudrais pas non plus que ma liberté soit brimée. Et finalement, on a jasé, on a prié ensemble, on a regardé les Écritures, et on dit, vas-y. Donc, c'est une manière. Si tu penses que tu peux scandaliser un frère ou une soeur, peut-être avant de le faire, va le voir. Va en parler avec lui. Va en jaser avec lui. Je sais que je vais faire de quoi qui peut-être, toi, tu penses qu'il n'est pas correct, mais j'aimerais en jaser avec toi. Pourquoi moi, je pense que j'ai le droit? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné cette liberté-là? Et pourquoi je veux le faire? Et ça peut éviter un paquet de dilemmes, un paquet de problèmes. Et de donner la liberté au frère qui, lui, ne veut pas aller, dire, vas-y pas, tu as le droit de ne pas y aller. Puis vas-y pas, ça t'oblige pas à aller. Mais si tu veux aller, vas-y. Mais n'oblige pas les autres à y aller avec toi. Mais c'est une façon de pouvoir le faire. Si tu penses qu'un frère, ou tu penses que l'Église va être scandalisé par ton action. Parle-en donc avec l'Église. Si tu crois que Dieu t'a donné la liberté, que ce n'est pas péché, tu as le droit de le faire. Donc pourquoi ne pas parler avec les autres de ce que tu penses avoir le droit de faire? Que Dieu t'a donné le droit de faire. Parle-en avec les frères et sœurs. Et peut-être, si tu es trop gêné d'en parler avec tout le monde, par exemple avec un ou deux, que tu penses qu'ils ont de la maturité, qui peuvent t'aider. Et si toi, tu vois quelqu'un, je me souviens qu'il y avait un homme une fois qui est venu me voir, François, il dit, le nouveau, dans l'église, un nouveau chrétien, il, ça faisait pas longtemps qu'il était sauvé, baptisé, il dit, je l'ai vu sortir de l'hôtel en fin de semaine, puis il marchait comme ça, là, sur le trottoir. Il dit, il était chaud. Puis là, il était scandalisé, puis on ne devrait pas l'avoir baptisé, puis on ne devrait pas voir ça, puis il est chaud, ben red, puis quel témoignage pour l'Église. En tout cas, il était craqué, ben red. J'ai dit, as-tu été voir ce frère-là? Ben non, je ne veux pas aller le voir. Mais tu devrais peut-être aller le voir. J'osais avec lui. Moi, je le connaissais, le monsieur. Il était converti à 60 ans. Il était alcoolique chronique depuis 30 ans. Donc, c'était pas aisé pour lui d'arrêter tout ça d'un coup sec, comme ça. Ça lui a pris 3 ans à être capable de contrôler sa boisson. 3 ans. Pendant 3 ans, tout le champ, on le voyait pacter. Après une secousse, il m'appelait avant de se pacter. Puis il se pactait. Après une secousse, il commençait à m'appeler avant de commencer à boire. Fait que là, je vais jaser avec lui, j'allais le voir, on parlait ensemble. Et finalement, après 3 ans, il a fini par se contrôler et de vivre une vie chrétienne normale. Pas qu'il n'a jamais pris de boisson après, mais il est capable de vivre avec ça. Mais c'est facile. Si toi, tu vois quelqu'un et que tu fais quelque chose que tu penses qu'il ne devrait pas faire, parce que tu penses que c'est mal, et tu crois que la Bible a dit que c'est péché, ça, cette affaire-là, va pas en parler avec les autres, va voir la personne. Va voir la personne et dis-y, pourquoi tu penses, toi, que tu peux faire ça, puis moi, je pense que je ne peux pas le faire. Peux-tu m'en jaser? Peux-tu m'instruire? Peux-tu me montrer? Peut-être que tu peux me donner de la connaissance et que je peux être libéré de ça, moi aussi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, il y aurait de l'harmonie et à pouvoir, même si on manque de connaissance, si c'est la connaissance qui fait la différence, parlons-nous. Et si c'est, même si les chrétiens chicanaient chacun leur bord, t'as pas le droit de manger de la viande, t'as pas le droit de manger de la viande, t'as pas le droit de manger de la viande, puis c'était la bordelle d'église, c'était la chicane, c'était la division qui était pour s'en venir, à quoi ça sert? Assisons-nous plutôt et jasons. Jasons, vous dites, hey, pourquoi tu penses que t'as le droit? T'es pas plus méchant que le chrétien que moi, t'as le même Saint-Esprit que moi, t'es sauvé pareil que moi, t'as la même Bible que moi. Comment ça t'arrives à une conclusion différente que moi? Ils allaient peut-être voir qu'il y a peut-être plusieurs possibilités d'interprétation dans certains textes. Et d'en parler entre nous. Mais notre tendance, c'est de faire que ce que les Corinthiens ont fait, c'est juste de parler des autres qu'on pense qu'ils font le péché, puis on ne lui parle pas. On en parle à tout le monde d'église. On fait le tour de la paroisse, je me rappelle. Puis on dit ça à tout le monde partout. Mais on n'en parle pas avec celui à qui on devrait en parler. Puis quand on y en parle, on le condamne. Au lieu de lui demander de nous expliquer pourquoi il le fait, on le condamne parce qu'on est sûr de soi-même qu'on a raison de pas faire. Tu ne devrais pas faire ça. On est bien certain que c'est nous autres qui interprètons bien les Écritures. Plus de dire, mais là, moi, je ne comprends pas que toi, tu interprètes autrement. Pourrais-tu me montrer, toi, dans les Écritures, comment tu arrives à cette conclusion-là? Parce que moi, je pense que c'est péché de faire ça. Et toi, tu le fais, mais je ne comprends pas. C'est bien plus simple de même. Hein? Nous, on ne le fait pas. Ça fait 30 ans, quasiment, je suis pasteur. On a bien la misère à faire ça dans nos églises. Et ça cause des divisions partout. Ça cause des chicanes. Ça cause des blessures. J'entends des pasteurs qui parlent de leurs églises, puis d'autres qui se divisent, puis ça chicane tout le temps. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se parler, on s'accuse, puis on se condamne, plutôt de le faire, de se libérer. Parce que tu devrais rechercher ma liberté, je devrais rechercher ta liberté. Et la liberté s'acquiert par la connaissance. Pas par la médisance, pas par la calomnie, pas par le placotage. Ça s'acquiert par la connaissance. Que le Seigneur puisse nous aider à augmenter la connaissance les uns des autres en se parlant, en jasant. Elle dit, mais je te vois faire ça, je te vois que toi, tu ne fais pas ça. Le mieux à faire, c'est juste dire, hey, on se parle-tu de ce problème-là, afin d'avoir la liberté, toutes les deux, de faire ce qu'on pense que le Seigneur nous a donné le droit de faire. Terminons dans la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, Je suis content d'entendre encore une fois ce matin qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Seigneur que Jésus. Ça n'existe pas. Fait qu'on n'a pas à les craindre. On n'a pas à avoir peur de leur faire du mal ou de les insulter. Ils n'existent pas. Seigneur, tu nous as donné une grande liberté par la connaissance. Et cette connaissance-là est en croissance, chacun de nous. Chacun de nous est en croissance. Ce n'est pas un qui est rendu ou qui devait être rendu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre avant de condamner, peut-être de parler. Avant d'aller, de rejeter celui qui est faible, de pouvoir aller le voir et l'instruire, peut-être, pourquoi on fait les choses. Lui donner la connaissance que toi-même, tu nous as donnée. On a besoin de ça, Seigneur. Dans notre propre Église ici. Donne-nous assez d'humilité pour penser qu'on est peut-être, qu'on fait peut-être erreur dans notre interprétation. Donne-nous assez d'humilité pour pouvoir écouter celui qui veut nous parler. Donne-nous assez d'amour pour aller voir celui qu'on pense qui pourrait être blessé par ce qu'on fait. On reconnaît bien, Seigneur, que nous avons bien de la misère. Moi, le premier. On a bien de la misère. Mais on aimerait te glorifier, Seigneur. On aimerait que notre comportement te glorifie. Donc, aide-nous à mettre en pratique ce que tu viens de nous dire. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Si vous voulez bien, on va se lever et on va chanter un dernier cantique.